إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. On a vu dans l'assise d'hier le sixième article présenté par le cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymin rahimahullah ta'ala dans cet ouvrage intitulé Fusulun fi siyami wa tarawih wa zakah, article sur le jeûne, la prière de tarawih et la zakah. Donc dans l'assise d'hier, on a vu le jugement de la zakat en islam ainsi que ses bénéfices religieux, moraux et sociaux. Et avant de passer à la lecture du septième article, dans lequel le cheikh, rahimahullah ta'ala, a parlé des bénéficiaires de la zakat, on va terminer la lecture du sixième article et la partie concernant les biens sur lesquels la zakat est obligatoire. Donc le cheikh, il dit, rahimahullah ta'ala, la zakat est obligatoire sur des biens précis. Il ne va pas mentionner tous les biens, mais seulement certains d'entre eux les plus courants. Il dit, rahimahullah, parmi ceux-ci, il y a l'or et l'argent, à condition qu'ils atteignent le nisab, c'est-à-dire la mesure minimale imposable à la zakat. Ensuite, il dit, rahimahullah, que le nisab est de 85 grammes pour l'or et 595 grammes pour l'argent, ou ce qui est équivalent à cela en billets de banque. Donc le cheikh, rahimahullah, il a mentionné ici le nisab en pièces d'or et d'argent, mais on l'a mentionné directement en grammes, afin que ce soit plus clair pour nous. Il dit donc, le nisab de l'or est de 85 grammes d'or pur et 595 grammes pour l'argent. Il dit ou ce qui est équivalent à cela en billets de banque, c'est-à-dire l'argent que l'on utilise aujourd'hui, la monnaie. Il est obligatoire d'en verser un quart du dixième, c'est-à-dire 2,5%. Il dit ensuite, rahimahullah, il n'y a pas de différence pour l'or et l'argent, qu'ils soient sous forme de monnaie, pépite ou poudre ou bijoux. C'est-à-dire que quelle que soit la forme sous laquelle sont l'or ou l'argent, il n'y a pas de différence. La zakat doit être versée dessus. Qu'il soit sous forme de monnaie, sous forme de pièces d'or et d'argent, de lingots, en pépites, en poudre ou en bijoux, sur tout cela, la personne est redevable de la zakat. Il dit par conséquent, la zakat est obligatoire sur les bijoux de la femme, qu'ils soient en or ou en argent, s'ils atteignent le nisab. Donc comme on a dit, 85 grammes pour l'or et 595 grammes pour l'argent. Il dit, rahimahullah, et ce même si elle les porte ou les prête, d'après la généralité des preuves qui oblige la zakat de l'or et l'argent sans différenciation. C'est-à-dire sans différenciation entre les bijoux ou l'or pur, ou encore les bijoux qui sont portés ou les bijoux qui sont mis de côté ou autres. Il n'y a pas de différenciation dans les textes. Il dit, rahimahullah, de plus, il y a des hadiths spécifiques qui sont rapportés, qui démontrent l'obligation de la zakat sur les bijoux, même s'ils sont portés. Comme ce que rapporte Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu ta'ala anhuma, qu'une femme est venue au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, accompagnée de sa fille, qui portait deux bracelets en or au poignet. Donc sa fille, elle avait deux bracelets en or au poignet. Il lui dit, sallallahu alayhi wa sallam, verses-tu la zakat sur cela, c'est-à-dire sur ces deux bracelets en or? Elle répondit non. Il dit alors, sallallahu alayhi wa sallam, souhaites-tu qu'Allah t'entoure de deux bracelets de feu à cause de cela? Alors la femme, qu'est-ce qu'elle fit? Elle les jeta et dit, ils sont pour Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit à travers ce hadith, en plus de ce bénéfice pour lequel le cheikh rahimahullah ta'ala l'a cité, qui est l'obligation de verser la zakat sur les bijoux en or et en argent s'ils atteignent le nisab, on voit également à travers ce hadith, l'empressement des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, hommes et femmes, à se soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ils sont pour nous un excellent modèle à suivre. Il dit ensuite, rahimahullah, parmi les biens sur lesquels la zakat est obligatoire, il y a aussi les biens commerciaux, qui désignent tout ce qui est destiné au commerce, comme l'immobilier, les voitures, le bétail, les tissus ou autres sortes de biens. C'est-à-dire tout ce que la personne achète dans le but d'y revendre. Si elle achète une terre, un appartement, une voiture avec lequel elle souhaite commercer, c'est-à-dire qu'elle l'achète pour le revendre pour en tirer un bénéfice. alors il y a de la zakat sur cela. Il dit, rahimahullah, l'obligation est d'en verser un quart du dixième, comme on a dit, 2,5%. Il évalue chaque année leur valeur et en extrait 2,5%. C'est-à-dire chaque année, il évalue, il estime la valeur de ses biens et il en extrait 2,5% et le donne en tant que zakat. Il dit, rahimahullah, que cette valeur soit inférieure, supérieure ou égale au prix d'achat. C'est-à-dire que tu ne regardes pas au moment de verser la zakat le prix auquel tu as acheté cette marchandise, mais tu regardes sa valeur, la valeur à laquelle tu vas la vendre. Et c'est sur cette valeur que tu verses la zakat. Par exemple, une personne a acheté une terre à 10 000 euros. Et un an après, cette terre, donc elle l'a achetée dans le but de la revendre, dans le but de commercer avec celle-ci. Et un an après, cette terre, elle vaut 20 000 euros. Donc une somme bien supérieure. Elle doit verser la zakat sur la somme de 20 000 euros et non pas sur celle de 10 000 euros. De même, si la somme est inférieure, le prix des terres a baissé. Il l'a acheté 10 000 euros, mais elle ne vaut plus que 5 000 euros. Alors il verse la zakat sur une valeur de 5 000 euros. Et ainsi de suite, parmi les exemples que l'on pourrait citer à ce sujet. Il dit, rahimahullah, quant à ce qui est destiné à l'usage personnel, une personne, elle s'achète une maison, une voiture, pour son utilisation personnelle, ou à la location, comme immobilier, voiture, matériel ou autre. Elle achète des maisons pour les louer, des voitures pour les louer, ou autre chose, parmi les différentes sortes de matériel ou d'équipement, de travaux ou autres, qui peuvent être loués. Et il dit alors, il n'y a pas de zakat dessus. Il n'y a pas de zakat sur la valeur de ses biens. Il dit, d'après la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aucune aumône n'incombe aux musulmans sur son servant et son cheval. Donc si la personne, elle a acheté un immeuble dans le but de mettre les appartements en location, elle ne doit pas verser de zakat sur la valeur de cet immeuble. De même, si elle a acheté des voitures dans le but de les louer, il n'y a pas de zakat à verser sur ces voitures. Contrairement à celui qui a acheté sa voiture ou cet immeuble dans le but de le revendre, avec l'intention de commercer sur celui-ci et non pas de le louer. Alors celui-ci, il devra verser chaque année 2,5% de la valeur de ses biens commerciaux en guise de zakat. Il dit, rahimahullah, cependant, la zakat est obligatoire sur les revenus de la location au bout d'une année. C'est-à-dire que la personne qui a acheté ses voitures ou cet immeuble pour les louer, on a dit, il ne doit pas verser de zakat sur la valeur de ses biens, car ce ne sont pas des biens qui sont destinés à la vente, mais il les a achetés dans le but de les louer. Alors les revenus qu'il tire de cette location, s'il ne les dépense pas, mais qu'il les met de côté, alors au bout d'une année, une fois qu'ils auront atteint le nisab, un an après, il devra verser la zakat sur ses revenus, de la même manière que le reste de son argent. Il dit, rahimahullah, ainsi que sur les bijoux d'or et d'argent, comme on a vu. Donc le shir, il reprécise que la zakat, elle doit être payée sur les bijoux d'or et d'argent, rahimahullah, afin de les différencier des autres biens personnels, comme la maison, la voiture, de la personne dans laquelle l'homme habite ou de laquelle l'homme se sert et qui ne sont pas destinés à la vente. Et c'est ainsi que se termine cet article au sujet des règles de la zakat et des biens sur lesquels la zakat est obligatoire. Je tiens juste à revenir sur la parole du Cheikh, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il dit « La zakat est obligatoire sur des biens précis. Parmi ceux-ci, il y a l'or et l'argent, à condition qu'ils atteignent le nisab, qui est de, donc on a dit directement, 85 grammes pour l'or et 595 grammes pour l'argent, ou ce qui est équivalent à cela en billets de banque. » En effet, si une personne a de l'argent de côté, en billets de banque, donc l'argent que l'on utilise aujourd'hui, les euros par exemple, la personne, au bout d'un an, une fois qu'elle a atteint le nisab, et que durant toute l'année, cette somme n'est pas redescendue en dessous du nisab, alors, au bout d'une année, elle devra verser la zakat sur cet argent, c'est-à-dire en extraire 2,5%. Et beaucoup de personnes pensent que le nisab se calcule automatiquement en fonction du nisab de l'or, c'est-à-dire qu'ils regardent la valeur de 85 grammes d'or, qui équivalent à une somme qui est peut-être de 2 ou 3 000 euros, je n'ai pas vérifié à l'heure actuelle, et ils pensent que c'est ceci le nisab. Or, nombre de savants, comme le Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah, considèrent que ce qui doit être pris en considération, c'est ce qu'il y a de plus profitable pour les pauvres. Or, à l'heure actuelle, c'est l'argent qui est beaucoup moins cher que l'or. Donc, on doit regarder la valeur de 595 grammes d'argent en euros, et c'est ceci le nisab à partir duquel la personne est redevable de la zakat. Wallahu ta'ala a'lam. On va donc passer maintenant à la lecture du 7e article dans lequel le Cheikh, rahimahullah, a parlé des bénéficiaires de la zakat. Il dit, rahimahullah, les bénéficiaires de la zakat sont ceux à qui elle est versée. Allah subhanahu wa ta'ala les a lui-même énoncés lorsqu'il a dit « Innama as-sadaqatu lil-fuqara'i wal-masakin wal-'amilin 'alayha » والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Les sadaqat, les aumônes, ne sont destinées que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam, l'affranchissement des joues, ceux qui sont lourdement endettés, dans le sentier d'Allah, et pour le voyageur en détresse, c'est un décret d'Allah, et Allah est omniscient et sage. Ceci est donc le verset 60 de Sourate At-Tawbah. Le Shir rahimahullah ta'ala, il dit, il y a donc 8 catégories. La première, les pauvres. Donc on va reprendre les 8 catégories, une par une, telles qu'elles sont venues dans le verset. Premièrement, les pauvres. Il dit, rahimahullah, ce sont ceux qui ne trouvent pas ce qui leur suffit, si ce n'est que très peu en dessous de la moitié. Par conséquent, si l'homme ne trouve pas de quoi subvenir à ses besoins, et ceux de sa famille pour la moitié de l'année, alors c'est un pauvre, on lui donne ce qui lui suffit pour lui et sa famille une année. Ceci est la première catégorie des gens bénéficiaires de la zakat, ce sont les pauvres. Ils ne possèdent pas de quoi vivre la moitié d'une année. Donc on lui donne ce qui lui suffit pour vivre un an complet, lui et sa famille. Il dit, rahimahullah, deuxièmement, les indigents. Al-Masakin dans le verset. Le premier, donc, ce sont al-Fuqara, et ici, al-Masakin, qui sont traduits par les indigents. Ce sont ceux qui trouvent la moitié de ce dont ils ont besoin au plus. Donc ils ont un peu plus d'argent qu'al-Fuqara, que les pauvres. Ils possèdent de quoi vivre la moitié d'une année ou un peu plus. Mais ils ne trouvent pas ce qui leur suffit une année complète. On lui complète alors pour les dépenses d'une année. On lui complète ce qui lui manque pour les dépenses d'une année. Et si l'homme n'a pas d'argent, mais qu'il a une autre source de revenus, c'est-à-dire il ne possède pas de quoi vivre une année, mais il a une source de revenus mensuels, par exemple, comme un métier, un savoir-faire, un travail. Il dit, rahimahullah, un salaire qui lui est versé, que ce soit un salaire qu'il touche, comme une retraite, ou une aide sociale ou autre, ou une exploitation, un investissement qu'il a fait, duquel il tire des revenus mensuels, par exemple, qui comble ses besoins. Et que ceci, cela comble ses besoins tout au long de l'année. Alors dans ce cas-là, on ne lui donne pas de la zakat. D'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucune part d'elle, c'est-à-dire de la zakat, pour un riche ou un homme fort en mesure de travailler. C'est-à-dire que si une personne, elle a des revenus mensuels, elle ne possède pas de quoi vivre une année. Elle n'a pas sur son compte en banque ce qui lui permettrait de subvenir à ses besoins tout au long de l'année. Mais elle a un revenu qui lui permet de subvenir à ses besoins tout au long de l'année. Alors celle-ci, elle ne peut pas recevoir de la zakat. Cependant, si la personne a des revenus, mais qui sont insuffisants, qui ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins, qui à chaque fin de mois se retrouve endetté, alors celle-ci, il est permis de lui verser de la zakat, celui qui lui permettra de combler ses besoins manquants en fin de mois. Il dit, rahimahullah, troisièmement, ceux qui y travaillent. Ce sont ceux que le gouverneur général de l'État a chargé de récolter la zakat auprès de ceux qui doivent la donner pour la distribuer à ses bénéficiaires, ou pour la garder, ou autre tâche semblable liée à la gestion de la zakat. Il dit, rahimahullah, on leur donne alors de l'argent de la zakat en fonction de leur travail, c'est-à-dire en guise de salaire, même s'ils sont riches. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a permis de donner à ceux qui travaillent et qui sont chargés par le gouverneur de récolter la zakat et de la redistribuer, ou alors de garder la zakat, ou des autres tâches qui sont liées à la gestion de l'argent de la zakat. Alors cela, il est permis en guise de salaire de leur donner de l'argent de la zakat, même s'ils sont riches. Et ceci revient donc au gouverneur qui gère cet argent. Quatrièmement, ceux dont les cœurs sont à gagner, c'est-à-dire à gagner à l'islam. Il dit, rahimahullah, ce sont les chefs de tribus dont la foi est faible. On leur donne de la zakat pour que leur foi se renforce et qu'ils soient des prêcheurs à l'islam et des modèles exemplaires à suivre. En effet, les chefs de tribus, ils sont suivis par leur tribu. Ils sont suivis par les gens qui sont sous leur autorité. Donc ceux-là, s'ils ont la foi faible, on leur donne de la zakat, pourquoi ? Pour que leur foi elle se renforce, pour qu'ils se maintiennent sur la droiture et qu'ils soient des exemples suivis par leur peuple. Il dit, rahimahullah, et si l'homme est faible dans son islam, mais ne fait pas partie des chefs qui sont obéis, qu'il fait plutôt partie du commun des gens, lui donne-t-on de la zakat afin que sa foi se renforce ? Il va mentionner différentes paroles des savants à ce sujet, car c'est une question sur laquelle les savants ont divergé. Il dit, rahimahullah, certains savants voit qu'on lui donne, car l'intérêt de la religion est plus immense que l'intérêt du corps. En effet, s'il est pauvre, on lui donne pour nourrir son corps, on lui donne de la zakat. Alors nourrir son cœur par la foi est bien plus important et immense en termes de profit. C'est-à-dire que si une personne a la foi faible, et que le fait de lui donner la zakat, cela va lui permettre de raffermir sa foi, de se maintenir sur la droiture, de la tirer vers le bien, alors certains savants voient qu'il est permis de donner l'argent de la zakat à ce type de personne. Il dit, rahimahullah, d'autres savants voient qu'on ne lui donne pas, car l'intérêt du renforcement de sa foi est un intérêt individuel spécifique à sa propre personne. C'est-à-dire contrairement au chef de tribu. Chef de tribu, il est suivi. C'est un modèle pour les gens de sa tribu, pour les gens qui sont sous son autorité. Alors que la personne, parmi le commun des gens, n'est pas suivie. Donc l'intérêt, il est restreint à sa propre personne. C'est pour cela que certains savants ont vu qu'on ne lui donne pas. Cinquièmement, il dit, rahimahullah, l'affranchissement des joues. Entre dans cela le fait d'acheter un esclave avec la zakat dans le but de l'affranchir. Aider ceux qui payent leur affranchissement, c'est-à-dire certains esclaves qui ont conditionné auprès d'eux ceux qui les possèdent leur affranchissement en échange d'une certaine somme d'argent. Il est permis de les aider à payer cette somme d'argent. Et aussi pour la libération des prisonniers musulmans. Il est permis de verser la zakat pour la libération des prisonniers musulmans, ceux-ci rentrent dans l'affranchissement des joues. Sixièmement, le cheikh il dit, rahimahullah, sixièmement, ceux qui sont lourdement endettés. Ce sont ceux qui ont des dettes et qui ne possèdent pas de quoi régler leurs dettes. On leur donne de quoi payer leurs dettes, qu'elles soient grandes ou petites. Il dit, rahimahullah, et ce même s'ils sont riches en ce qui concerne leur nourriture. Un supposé qu'un homme possède de quoi subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille, mais qu'il a une dette qu'il n'arrive pas à régler. C'est-à-dire qu'il a une source de revenus qui lui permet de subvenir à ses besoins. Mais cette dette, il n'arrive pas à la régler. Ses revenus ne sont pas assez grands pour lui permettre de régler cette dette. On lui donne alors de la zakat de quoi régler sa dette. Le montant de sa dette, il est permis de lui donner en zakat afin qu'il puisse la payer. Il dit, rahimahullah, et il n'est pas permis au créancier d'affranchir un pauvre de sa dette envers lui en mettant l'intention de la zakat. C'est-à-dire, par exemple, une personne, on va dire Amr, a emprunté de l'argent à Zayd. Il a emprunté 1000 euros à Zayd. Et Amr n'arrive pas à rembourser cet argent. Et Zayd doit donner 1000 euros de zakat. Alors il ne lui est pas permis de lui dire « Tu as affranchi de ta dette » et de mettre l'intention que ceci soit sa zakat. Pourquoi ? Car s'il fait cela, c'est qui a profité de la zakat en réalité ? C'est lui-même, ce n'est pas le pauvre. Certes, le pauvre, il n'a plus sa dette, mais le profit lui est revenu à lui-même. Car le pauvre, il n'était pas en mesure de lui rembourser sa dette. Donc, il a renvoyé le profit à sa propre personne en récupérant l'argent de cette dette. C'est 1000 euros qu'il n'a pas sorti en zakat, mais qu'il a gardé. C'est pour cela que ceci n'est pas permis. Il dit, rahimahullah, et les savants ont divergé dans le cas où la personne endettée est le père ou l'enfant. Peut-on lui donner de sa zakat pour régler sa dette? L'avis authentique est la permission. Donc le cheikh, rahimahullah ta'ala, il dit qu'il est permis à une personne de prendre à l'argent de sa zakat pour payer les dettes de son père ou de son enfant. Il dit que les savants ont divergé sur cette question, mais que l'avis authentique selon lui est la permission. Il dit ensuite, rahimahullah ta'ala, septièmement, dans le sentier d'Allah, c'est-à-dire la lutte sur le sentier d'Allah. On donne alors de la zakat aux mujahidin, ce qui leur suffit pour leur lutte. Et il dit, on achète avec l'argent de la zakat les armes nécessaires à la lutte sur le sentier d'Allah. Bien sûr, lorsqu'on parle de lutte sur le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala, on ne parle pas des actes criminels que font les groupes terroristes, à l'exemple de Daesh ou Al-Qaïda ou autres, parmi les groupes de Khawarij contemporains qui sèment la corruption sur terre par le meurtre d'innocents et autres. Ceci, leurs œuvres, ce ne sont en rien de la lutte sur le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais ils luttent plutôt, comme l'ont dit les savants, sur le sentier du diable, wal-iyadu billah. Ensuite, le shaykh, il dit, rahimahullah ta'ala, et entre dans le sentier d'Allah la science religieuse. On donne donc à l'étudiant en science religieuse ce qui lui permet de rechercher la science, comme les livres et autre que cela, sauf s'il a de l'argent qui lui permet d'obtenir cela. Donc, il est permis de donner de sa zakat pour qu'une personne étudie la science, ce qui lui permettra, par exemple, de voyager dans le but d'étudier la science ou d'acheter des livres dans le but d'étudier la science, et ainsi de suite. Il dit, rahimahullah, sauf si cette personne a ce qui lui permet d'acheter cela. Mais s'il n'a pas ce qui lui permet d'aller étudier la science, alors il est permis de lui donner l'argent de la zakat pour cela. Ensuite, il dit, rahimahullah, huitièmement, le voyageur en détresse. Et c'est le voyageur qui n'a pas de quoi retourner dans son pays. Il a voyagé dans un autre pays, dans un autre endroit. Il lui arrivait certains imprévus, il n'a plus de quoi retourner dans son pays, retourner à son domicile. Alors il est permis de lui donner de la zakat, la somme qui lui permettra de rentrer chez lui. Ensuite, il dit, rahimahullah, ceux-là, ce sont les bénéficiaires de la zakat, qu'a mentionné Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre, et il a informé que ceci était une prescription venant de lui. Et cette prescription, elle a été émise avec science et sagesse, car Allah subhanahu wa ta'ala est alim et hakim. Il est doté de la science parfaite et de la sagesse. Il dit ensuite, rahimahullah, et il n'est pas permis de la verser, c'est-à-dire la zakat, pour autre que ces catégories, comme pour la construction des mosquées ou la réparation des routes. Car Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné ses bénéficiaires et ses ayants droit de manière restrictive. Et cette manière restrictive par laquelle il les a mentionnés indique qu'il n'est permis de la verser qu'à eux. Il a dit « innamas sadaqat ». Là, les sadaqat, les aumônes, ne sont que pour. Et il a mentionné les 8 catégories. C'est-à-dire qu'il n'est pas permis de les verser pour autre que ces 8 catégories. Il dit ensuite, rahimahullah, « et si nous méditons sur ces catégories, on saura alors qu'il y a parmi eux ceux qui ont besoin de la zakat pour leur intérêt personnel, pour leur propre personne, et ceux dont les musulmans ont besoin d'eux. Comme par exemple ceux qui luttent sur le sentier d'Allah, ceux qui étudient la science et autres. Les musulmans ont besoin d'eux. C'est pour cela qu'on leur verse de la zakat. Il dit ainsi, tu sais le sens de la sagesse qu'il y a dans l'obligation de la zakat. Et que la sagesse qu'il y a à travers cela est de construire une société honorable, noble et complète, autant que possible. Et que l'islam n'a pas négligé les biens, n'a pas négligé les richesses, ni même les intérêts et les avantages qui peuvent être bâtis par l'argent. De même que l'islam n'a pas laissé place aux âmes cupides et avares la liberté dans leur avarice, leur cupidité et leur passion. Au contraire, l'islam les a encouragés et les a incités vers le bien afin de réformer les communautés et les louanges sont à Allah, Seigneur de l'univers. C'est ainsi que se termine cet article au sujet des bénéficiaires de la zakat présenté par l'éminent Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. On verra dans notre assise de demain le dernier article de cet ouvrage qui traite de la zakat liée au mois de Ramadan, c'est-à-dire zakat al-fitr, l'aumône de la rupture. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.